Deuxième partie, chapitre 5 de la Commune. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Françoise. La Commune par Louise Michel. Deuxième partie, République du 4 septembre. Chapitre 5, le 22 janvier. Les trôneurs aiguisent leurs glaives et charpentent leurs échafauds. Bonhomme, bonhomme, aiguise bien ta faux. D'heureux, chanson du bonhomme. Le soir du 21 janvier, les délégués de tous les clubs se réunirent à la Reine Blanche, à Montmartre, afin de prendre une résolution suprême avant que la défaite fût consommée. Les compagnies de la Garde nationale, de retour de l'enterrement de Rochebrune, se rendirent à la Reine Blanche, ayant crié sur tout le parcours « Déchéance ». Les gardes nationaux du Faubourg convinrent de se trouver en armes le lendemain à midi, place de l'Hôtel de Ville. Les femmes devaient les accompagner pour protester contre le dernier rationnement de pain. On voulait bien le supporter, mais il fallait que ce fût pour la délivrance. En fait de protestation, je résolus de prendre mon fusil comme les camarades. La mesure étant comble des lâchetés et des hontes, il n'y eut pas d'opposants au rendez-vous du lendemain pour une mise en demeure du gouvernement. « Il n'y a plus de pain », avait-il été déclaré, « que jusqu'au 4 février. Mais on ne se rendra pas, dût-on mourir de faim ou s'ensevelir sous les ruines de Paris ?» Les délégués des Batignolles promirent de ramener avec eux le maire et les adjoints à l'hôtel de ville, revêtus de leurs insignes. Ceux de Montmartre se rendirent de suite à leur mairie. Clémenceau étant absent, les adjoints promirent et s'y rendirent en effet. Une entente générale eut lieu entre les comités de vigilance, les délégués des clubs et la garde nationale. La séance fut levée au cri de « Vive la Commune !» Dans l'après-midi du 21 janvier, Henri Place, connu alors sous son pseudonyme de Varlet, Cipriani et plusieurs du groupe blanquiste se rendirent à la prison de Mazas où greffier demanda à voir un gardien qu'il avait connu étant prisonnier. On le laissa passer avec ceux qui l'accompagnaient. Il observa alors qu'il y avait un seul factionnaire à la grande porte d'entrée. À droite de cette porte en était une autre, plus petite et vitrée, où se tenait jour et nuit un gardien et par laquelle on pénétrait dans la prison. En face, un corps de garde où couchaient des gardes nationaux de l'ordre. C'était un poste. Arrivé au rond-point, en causant avec le gardien d'un air indifférent, il lui demanda où se trouvait le vieux. On appelait ainsi par amitié Gustave Flourens, comme depuis longtemps Blanqui, lui vieux réellement. « Couloir B, cellule 9 », répondit naïvement le gardien. En effet, à droite du rond-point, ils virent un couloir désigné par la lettre B. On causa d'autre chose, et, quand ils eurent vu tout ce qui leur était nécessaire de savoir, ils sortirent. Le soir à 10 h, rue des Couronnes, à Belleville, ils trouvèrent au rendez-vous 75 hommes armés. La petite troupe, ayant le mot d'ordre, s'improvisa patrouille, répondant aux autres patrouilles qui auraient pu les rencontrer dans leur entreprise. Un caporal avec 2 hommes vinrent les reconnaître et, satisfaits, les laissèrent passer. Le coup de main ne pouvait réussir que très rapidement exécuté. Les premiers 12 hommes devaient désarmer le factionnaire, les 4 suivants s'emparer du gardien de la petite porte vitrée. 30 autres devaient se précipiter dans le corps de garde, se mettre entre le râtelier au fusil et le lit de camp où était couchée la garde, et la mettre en joue pour l'empêcher de faire le moindre mouvement. Les autres 25 devaient monter le rond-point, s'emparer des gardiens au nombre de 6, se faire ouvrir la cellule de Flourens où il les enfermerait, descendre rapidement, fermer à clé la porte vitrée qui donne sur le boulevard et s'éloigner. Ce plan fut exécuté avec une précision mathématique. Il n'y eut, disait Cipriani, que le directeur qui se fit un peu tirer l'oreille, mais devant le revolver braqué sur son visage, il céda et Flourens fut délivré. Après Mazas, la petite troupe, qui commençait par des triomphes, alla sur la mairie du 20e, dont Flourens venait d'être nommé adjoint. Ils firent sonner le tocsin, à une vingtaine, proclamèrent la Commune. Mais personne ne répondit, croyant à un guet-apens du parti de l'ordre. À l'hôtel de ville, les membres du gouvernement tenaient une séance de nuit. Il eût été possible de les y arrêter. Flourens, dans sa prison, n'avait pas vu l'importance du mouvement révolutionnaire. Il objecta qu'on était trop peu. Mais le premier coup d'audace n'avait-il pas réussi déjà ? L'extrême décision fait, à la force, l'effet d'une fronde à la pierre qu'elle lance. Le matin du 22, une affiche furieuse de Clément Thomas, qui remplaçait Tamisier au commandement de la garde nationale, était placardée dans Paris. Cette affiche mettait hors la loi les révolutionnaires. Ils y étaient traités de fauteurs de désordre. Appel était fait aux hommes d'ordre pour les exterminer. Cela commençait ainsi. Hier soir, une poignée de factieux ont pris d'assaut la prison de Mazas et délivré leur chef Flourens. Suivaient injures et menaces. La prise de Mazas et la libération de Flourens avaient rempli d'effroi les membres du gouvernement. S'attendant à voir une seconde édition du 31 octobre, ils en référèrent à Trochu, qui fit bonder l'hôtel de ville de ses mobiles bretons. Chaudet y commandait. Son hostilité pour la Commune était connue. À midi, une foule énorme, en grande partie désarmée, emplissait la place de l'hôtel de ville. Grand nombre de gardes nationaux avaient leurs fusils sans munitions. Ceux de Montmartre étaient armés. Des jeunes gens montés au réverbère criaient « Déchéance ». La tête crépue de Bauer s'y montrait fort animée. De temps à autre, une clameur passait. Tous ceux qui avaient promis, aussi ceux qui n'avaient rien dit, étaient là. Aussi bon nombre de femmes, André Léo, mesdames Blin, Excoffon, Poirier, Danguet. Les gardes nationaux qui n'avaient pas pris de munitions commençaient à le regretter. Une journée se préparait, nous n'en pouvions douter. Que serait le lendemain ? L'hôtel de ville était depuis la veille plein de sacs à terre. Les mobiles bretons dont ils regorgeaient, entassés à l'embrasure des fenêtres, nous regardaient, leurs faces pâles immobiles, leurs yeux bleus fixés sur nous avec des reflets d'acier. Pour eux, la chasse aux loups est ouverte. Car M. Trochu a dit à ceux d'Anceny « Mes amis, le roi va ramener la fleur de lys ». Comme au 31 octobre, la foule arrivait toujours. Derrière la grille, devant la façade, était le lieutenant-colonel des mobiles, Léger, et le gouverneur de l'hôtel de ville, Chaudet, dont on se défiait. Les plus forts, avait-il dit, fusilleront les autres. Le gouvernement était en possession des forces les plus grandes. Des délégués furent envoyés, disant que Paris affirmait encore sa volonté de ne jamais se rendre et de ne jamais être rendu. Ils demandèrent vainement à être introduits. Toutes les portes étaient fermées. Les Bretons étaient toujours aux fenêtres. L'hôtel de ville, à ce moment, ressemblait à un navire, ses sabords ouverts sur l'océan. Les vagues humaines eurent d'abord de grands remous, puis elles attendirent immobiles. Nul ne doutait plus de la façon dont le gouvernement allait recevoir ceux qui ne voulaient pas de la reddition, traînant après elle Badingue, remorqué par Guillaume, ou même n'y traînant que la honte. C'était trop. Tout à coup, Chaudet entra dans l'hôtel de ville. « Il va, disait-on, donner l'ordre de tirer sur la foule. » Pourtant, on essayait de franchir la grille derrière laquelle, grossièrement, des officiers insultaient. « Vous ne savez pas ce qui vous attend en vous opposant à la volonté du peuple, » dit aux insulteurs le vieux Mabile, l'un des tirailleurs de Flourens. « Je m'en fous !» répondit l'officier qui venait de lancer des invectives, et il braqua son revolver sur le voisin de Mabile, qui de son côté s'avança sur lui. Quelques instants après l'entrée de Chaudet dans l'intérieur, il y eut comme un coup de pommeau frappé derrière une des portes, puis un coup de feu parti, isolé. Moins d'une seconde après, une fusillade compacte balayait la place. Les balles faisaient le bruit de grêle des orages d'été. Ceux qui étaient armés répondirent. Froidement, sans arrêter, les Bretons tiraient, leurs balles entraient dans la chair vive, les passants, les curieux, hommes, femmes, enfants, tombaient autour de nous. Certains gardes nationaux avouèrent depuis avoir tiré non sur ceux qui nous canardaient, mais sur les murs où, en effet, fut marquée la trace de leurs balles. Je ne fus pas de ceux-là. Si on agissait ainsi, Ce serait l'éternelle défaite avec ses entassements de mort et ses longues misères, et même la trahison. Debout devant les fenêtres maudites, je ne pouvais détacher mes yeux de ces pâles faces de sauvages qui, sans émotion, d'une action machinale, tiraient sur nous comme ils eussent fait sur des bandes de loups. Et je songeais « Nous vous aurons un jour, brigands, car vous tuez, mais vous croyez. On vous trompe, on ne vous achète pas. Il nous faut ceux qui ne se vendent jamais. » Et les récits du vieux grand-père passèrent devant mes yeux, de ce temps où héros contre héros, implacablement combattaient les paysans de Charette, de Catelino et La Roche-Jacquelin contre l'armée de la République. Près de moi, devant la fenêtre, furent tués une femme en noir, grande et qui me ressemblait, et un jeune homme qui l'accompagnait. Nous n'avons jamais su leur nom et personne ne les connaissait. Deux grands vieillards debout sur la barricade de l'avenue Victoria tiraient tranquillement. On eût dit deux statues des temps homériques. C'étaient Mabile et Malézieux. Cette barricade, faite d'un omnibus renversé, soutint quelque temps le feu de l'hôtel de ville. Comme Cipriani gagnait l'avenue Victoria avec Dussali et Sapia, il eut l'idée d'arrêter l'horloge de l'hôtel de ville et tira sur le cadran qui se brisa. Il était 4h05. À cet instant même, fut tué Sapia d'une balle dans la poitrine. Henri Place eut le bras cassé, mais comme toujours et toujours, la majorité des victimes se composait de gens inoffensifs venus là par hasard. Des passants dans les rues voisines furent tués par des balles perdues. Ayant tenu le plus longtemps possible en tirant des petites bâtisses situées du côté de la place opposée à la façade, il fallut se retirer. La première fois qu'on défend sa cause par les armes, on vit la lutte si complètement qu'on n'est plus soi-même qu'un projectile. Le soir, nous vîmes le père Malézieux, ayant encore sa grande redingote trouée de balles comme un crible. Dereur, qui un instant avait à lui seul occupé la porte de l'hôtel de ville, était rentré à la mairie de Montmartre, son écharpe rouge toujours à la ceinture. « Il faut terriblement de plomb pour tuer un homme, » disait Malézieux, le vieil insurgé de juin. Il en fallait beaucoup pour lui, en effet, tant que toutes les balles de la semaine sanglante passèrent sans l'atteindre, si bien qu'au retour de la déportation, il se tua lui-même, les bourgeois le trouvant trop vieux pour travailler. Les poursuites à l'occasion du 22 janvier commencèrent de suite. Le gouvernement, jurant toujours qu'il ne se rendrait jamais, essaya de faire rentrer dans le silence les comités de vigilance, les chambres fédérales, les clubs. Alors, tout devint club. La rue fut tribune. Les pavés se soulevaient d'eux-mêmes. Des milliers de mandats d'arrêt avaient été lancés, mais on ne put guère opérer que les arrestations immédiates. Les mairies les refusaient, disant que ce serait provoquer des émeutes. On s'est souvent demandé pourquoi, parmi tous les membres du gouvernement, dont pas un ne se montrait à la hauteur des circonstances, Paris eut surtout l'horreur de Jules Ferry. C'est surtout à cause de son épouvantable duplicité. Il avait fait, au lendemain du 22 janvier, placarder l'affiche mensongère qui suit. Mairie de Paris, 22 janvier, 4h52 du soir. Quelques gardes nationaux factieux, appartenant au 101e de marche, ont tenté de prendre l'hôtel de ville, tiré sur les officiers et blessé grièvement un adjudant-major de la garde mobile. La troupe a riposté. L'hôtel de ville a été fusillé des fenêtres des maisons qui lui font face de l'autre côté de la place et qui étaient d'avance occupées. On a lancé sur nous des bombes et tiré des balles explosives. L'agression a été la plus lâche et la plus odieuse, d'abord au début, puisqu'on a tiré plus de 100 coups de fusil sur le colonel et les officiers au moment où ils congédiaient une députation admise un instant avant dans l'hôtel de ville, non moins lâche ensuite, quand, après la première décharge, la place s'étant vidée et le feu ayant cessé de notre part, nous fûmes fusillés des fenêtres d'en face. Dites bien ces choses aux gardes nationaux et tenez-moi au courant si tout est rentré dans l'ordre. La garde républicaine et la garde nationale occupent la place et les abords. Jules Ferry. Un écrivain sympathique au gouvernement de la Défense nationale et qui savait la façon de penser bourgeoise fait quelque part cet aveu dépouillé d'artifice à propos de la répression du 22 janvier. Il fallut se contenter de condamner à mort par contumace Gustave Flourens, Blanqui et Félix Piat. Sempronius, Histoire de la Commune, décembre, Allonnier. Jules Favre comprit-il qu'enlever les armes à Paris serait une tentative inutile, aboutissant à une révolution certaine, ou lui restait-il ce sentiment de justice que la garde nationale devait les conserver? Il ne fut jamais question de la désarmer, quoique son affiche du 28 janvier annonçât l'armistice contre lequel Paris s'était toujours élevé. C'était la reddition assurée. La date seule restait incertaine où l'armée d'invasion entrerait dans la ville livrée. Ceux qui, si longtemps, avaient soutenu que le gouvernement ne se rendrait jamais, que Ducrot ne rentrerait que mort ou victorieux, que pas un pouce du territoire, pas une pierre des forteresses ne serait livrée, virent qu'on les avait trompés. Voici comment étaient traités les prisonniers du 22 janvier et ceux qui, ayant été transférés à Vincennes, ne purent être délivrés avec Flourens. Les malheureux, dit le Français, qui avaient été transférés à Vincennes, y restèrent 8 jours sans feu. Ils neigeaient par les fenêtres de la salle du donjon où ils étaient enfermés, couchés pêle-mêle sur une surface d'à peu près 150 mètres carrés et littéralement dans la fange la plus immonde. L'un d'eux, le citoyen Tibaldi, détenu pour le 31 octobre, et qui avait enduré toutes sortes de tortures physiques et morales à Cayenne, où l'Empire l'avait tenu pendant 13 ans, déclarait qu'il n'avait jamais rien vu de semblable. Après avoir été transporté de Vincennes à la Santé, où ils restèrent 15 jours dans des cellules sans feu et dont les murs suintaient l'eau à ce point que ni le linge ni la literie n'y pouvaient demeurer secs, ils furent conduits à Pélagie, où ils durent attendre 2 mois le jugement des conseils de guerre. Parmi les détenus du 22 janvier était Delescluze, arrêté et jeté, lui aussi, dans cet enfer. Seulement, comme rédacteur en chef du Réveil qu'on venait de supprimer, Delescluze, âgé de 65 ans, débile, déjà atteint d'une bronchite aiguë, sortit mourant de prison. Aux élections du 8 février suivant, on l'envoya à l'Assemblée législative à Bordeaux. Un ouvrier, le citoyen Magne, avait été arrêté au moment où il rentrait chez lui, sortant de son atelier. Déjà malade, il mourut 1 mois après, à Pélagie, victime du traitement qu'il avait enduré. G. Le Français, étude du mouvement communaliste, 1871. Dans la soirée du 22 janvier, avait été affiché le décret suivant qui fermait les clubs dans Paris. Le gouvernement de la Défense nationale, considérant qu'à la suite d'excitations criminelles dont certains clubs ont été les foyers, la guerre civile a été engagée par quelques agitateurs désavoués par la population tout entière. Qu'il importe d'en finir avec ces détestables manœuvres qui sont un danger pour la patrie et qui, si elles se renouvelaient, entacheraient l'honneur irréprochable jusqu'ici de la défense de Paris, décrète. Les clubs sont supprimés jusqu'à la fin du siège. Les locaux où ils tiennent leurs séances seront immédiatement fermés. Les contrevenants seront punis conformément aux lois. Article 2. Le préfet de police est chargé du présent décret. Général Trochu, Jules Favre, Emmanuel Arago, Jules Ferry. Tant que le bombardement de Paris rassura, on avait toujours l'espoir d'une lutte suprême. Quand il se tut, après le 28, on se sentit trahi. Il restait la ressource de mourir si la révolte ne pouvait vaincre. Quoi ? Toutes les victimes déjà entassées les unes dans les sillons, les autres sur le pavé des rues, les vieux morts des misères du siège, tout cela n'aurait servi qu'à constater l'abaissement populaire, et le nom de République ne serait qu'un masque. Quoi ? C'était cela que de loin on voyait dans une gloire. Quiconque était républicain était déclaré ennemi de la République. Jules Favre, Jules Simon, Garnier Pagès parcouraient les départements. Gambetta venait d'étouffer les communes de Lyon et de Marseille qu'avait fait lever le 4 septembre, avec la même désinvolture qu'il apportait au lendemain du 14 août à appeler la peine de mort sur la tête des bandits de la Villette. Fin de Le 22 janvier.